Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. En un sens, la connerie est l'échec de l'intelligence, le super fail de l'intelligence, mais peut-on dire qu'un intelligent, c'est un con qui a réussi ? Mes amis, ce que je voudrais vous dire à tous, tiens, en un seul mot, réconciliation ! Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con ? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Oui ! Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Oui ! Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Oui ! Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Oui ! Un extrait de 2h moins le quart avant Jésus-Christ, un film de Jean-Yann. Nous sommes en compagnie de Jean-François Marmion. Vous êtes psychologue, rédacteur en chef du Cercle Psy et vous publiez un ouvrage collectif aux éditions Sciences Humaines, Psychologie de la connerie. Alors je pose la question essentielle, Jean-François Marmion. Peut-on dire que la connerie est l'échec de l'intelligence ? Alors pas seulement, parce que la connerie, évidemment, ça peut être un manque d'intelligence. C'est pas que l'intelligence échoue, c'est qu'elle est pas là. Ça peut arriver. Bon. Mais ça peut être aussi un échec de l'intelligence, dans le sens où on peut être très intelligent et se comporter comme un parfait abruti, en défendant des idées farfelues, en étant persuadé de détenir la vérité, en écrasant tout le monde de son mépris. Quand il manque une forme d'empathie et de considération pour l'autre, on peut dire que l'intelligence court de grands risques d'aller à l'échec, oui. Aller à l'échec, ça se présente comment ? Est-ce qu'il est possible, donc vous qui êtes psychologue, qu'est-ce que vous avez appris dans votre travail de chercheur sur les cons ? Alors justement, j'ai appris que la connerie ne se résume pas forcément à un manque d'intelligence, et qu'il y a plusieurs formes de conneries. Par exemple, si je sors de cette émission en vous disant « Oh là là, je suis désolé, j'ai l'impression que j'ai pas été clair, j'ai l'impression que j'ai bafouillé, j'aurais dû prendre plus d'exemples, quel con je suis !» Vous allez me dire « Mais non, c'était bien, vous avez fait ce que vous pouviez, blablabla, vous voyez ?» Et vous allez dire « Tiens, il est humble, il prend du recul sur ce qu'il a fait, c'est une forme d'intelligence, même si l'émission était ratée, voilà. » Mais si je sors en vous disant « Dites donc, c'était bien gentil votre émission, mais vous ne devriez pas la faire comme ça. » Vous devriez inviter plutôt telle et telle personne, avoir tel format. Et puis, de toute façon, vu les opinions politiques que je devine dans votre cerveau, ça m'étonne pas que vous... Alors là, vous allez dire, ça c'est un con. Il sait mieux que moi comment je devrais m'y prendre. Il sait mieux que moi ce que je pense, comment je devrais vivre. Voilà un con. Mais si en plus, je sais pas, imaginons que je sois votre PDG et que je refuse de vous dire bonjour parce que vous êtes juste salarié, ou que, je sais pas, quelqu'un que je connais parmi mes employés revient après avoir eu un cancer et je veux même pas prendre de ses nouvelles, là on va dire, mais c'est vraiment un connard, quoi. Même s'il est intelligent au point d'être devenu PDG, on va dire, mais il y a un truc qui va pas. Il est glacial, il y a quelque chose d'humain qui lui manque, quoi. Donc oui. C'est pas une question d'intelligence seulement. Alors, en fait, ce que vous êtes en train de faire là, Jean-François Marmion, vous êtes en train de nous dire que le mot con est extrêmement polysémique. Oui. D'aucuns disaient que mort au con, c'était un vaste programme. En fait, il peut prendre différentes facettes, le con. Absolument. C'est pas la même chose si je dis casse-toi pauvre con, ou si je dis casse-toi petit con, casse-toi grand con, sale con. Vous voyez, il n'y a pas la même forme de mépris derrière, déjà. Et connard, là, c'est la forme la plus péjorative de l'affaire. Connard, c'est vraiment le con minable, quoi. Le con dangereux, même. Le con qui, de façon illégitime et autosatisfaite, se prend pour le nombril du monde et vous écrase et n'est pas content tant que vous n'êtes pas malheureux. Ça, c'est une forme de connerie qui n'est plus du tout la même que, bah, le petit con qui débarque dans la vie, qui sait pas encore grand chose à grand chose, mais qui va apprendre. Comment explique-t-on la connerie des gens intelligents? Alors, ça, c'est ce qu'on appelait autrefois la sottise. Au 16e, 17e siècle, c'était la sottise ou un peu de fatuité. La connerie des gens intelligents, ça s'explique par quelque chose dont on fait tous preuve, notamment le biais de confirmation. Ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est l'espèce de raccourci de la pensée qui font qu'en gros, on caricature la réalité pour que ça rentre bien dans nos cartes de pensée, qu'on puisse s'adapter très vite, qu'on n'ait pas trop à réfléchir. Alors parmi tous ces biais, le biais de confirmation est redoutable. Ça veut dire qu'on sélectionne systématiquement dans notre environnement ou dans les informations au règle générale qui nous parviennent, on sélectionne systématiquement ce qui conforte notre vision du monde, pas ce qui pourrait la prendre en défaut et nous faire évoluer. Voilà. Si je regarde des informations en vrac sur le net et qu'on me dit 10 versions différentes du même événement, je vais choisir de privilégier la version qui correspond à mon cadre préétabli. Mais on cherche à confirmer sa vision du monde. Mais alors ça, c'est quand même difficile de vivre sans, parce qu'on a tous besoin, Jean-François Marmion, d'avoir au moins des certitudes, des choses bien sur lesquelles s'appuyer. On ne peut pas faire autrement. C'est là où ça devient un peu pervers. On ne peut pas faire autrement que raisonner comme ça. Notre cerveau est configuré comme ça. On ne peut pas, chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, prendre 3 heures avant de le juger. Dire, tiens, bon, attendez, je vais bien vous écouter, vous allez bien me raconter votre vie. Après, je vais décider ce qu'on va faire ensemble. Non, vous rencontrez quelqu'un, votre première impression est faite, vous allez plus ou moins vous baser là-dessus. Voilà. On ne peut pas vivre autrement. Sinon, nos ancêtres seraient tous morts avant d'avoir pu s'en produire, s'ils avaient dû réfléchir à chaque fois. Et puis, de toute façon, le monde est d'une complexité telle qu'il faut bien le caricaturer un peu. Dire, bah, le bien, c'est ça. Le mal, c'est ça. Je dois faire ça. Et pas ça. Si on se remet en question à chaque seconde, la vie est invivable. Donc, on est programmé pour penser très vite comme ça. Le tout est d'en prendre conscience pour essayer de limiter les dégâts dans certaines circonstances. Mais alors, justement, parce que lorsqu'on parle donc du biais de confirmation, d'une typologie de la connerie avec la connerie des gens intelligents, pendant très longtemps, la connerie des gens intelligents, on a appelé ça l'idéologie. Alors d'ailleurs, l'idéologie, c'était toujours l'erreur de l'autre. Alors il y a une longue histoire de part et d'autre, à droite comme à gauche, de l'idéologie. Comment vous analysez-vous l'idéologie ? Alors là, il y a une part de croyance qui se mêle à ça. Moi, je pense que c'est les mêmes mécanismes que pour une croyance religieuse, les croyances politiques, les croyances idéologiques. On croit que c'est extrêmement construit, qu'on a bien réfléchi, mais souvent non. Souvent, là encore, on ne fait que confirmer notre vision du monde. Si j'ai une croyance solidement enracinée à gauche ou à droite et que vous me montrez le contraire, je vais dire que vous êtes de mauvaise foi. Je ne vais pas dire que c'est moi qui me trompe. Je veux dire que vous êtes de mauvaise foi ou que la réalité se trompe parfois, que la réalité doit s'adapter à ce que je crois. Et pour ça, il faut la changer. Voilà. Et on y arrive ? Non. Bien sûr que non. Bon, parce que, justement, ce qu'il y a de merveilleux dans les lunettes idéologiques, quelles qu'elles soient, encore une fois, c'est que, à force de vouloir croire quelque chose, on parvient à des niveaux, malgré tout, d'aveuglement qui sont parfois extrêmement impressionnants. Oui, on en revient à ce que je disais tout à l'heure avec l'idée de supériorité satisfaite, quoi. J'ai compris comment fonctionne le monde, j'ai compris comment il doit fonctionner, j'ai compris comment vous devez fonctionner pour être bien dans mon cadre de pensée. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous êtes con au mieux, au pire, vous êtes mon ennemi et je dois vous nuire. Alors, je continue toujours dans la connerie qui est la connerie attribuée à des gens perçus comme intelligents. Aujourd'hui, il y a une forme de revendication qui nous dit que l'élite, les technocrates, ceux qui nous gouvernent sont hors sol, se comportent donc, j'allais dire comme des cons, mais en tout cas, qu'ils n'ont pas un regard sur la réalité qui est le regard éclairé qu'ils devraient avoir. Qu'en pensez-vous ? Alors, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger en psychologie, du nom des psychologues qui l'ont identifié. Ça veut dire qu'on se croit toujours plus malin que l'expert. Ça, c'est le café du commerce. On tape du poing sur la table en disant « Moi, si j'étais au gouvernement, moi, je ferais ça et puis ce serait vite réglé. » En fait, bon, on serait comme les autres et peut-être pire. D'autre part, les experts... Alors ça, c'est un peu préoccupant ce que vous dites, parce que dans ce cas-là, le grand débat, il va être en quelque sorte le triomphe de cet effet-là. Je crains que le grand débat soit le grand déballage, mais on verra bien. En tout cas, l'effet Dunning-Kruger, ça consiste non seulement à se croire supérieur aux experts, mais les experts, du coup, se croient un peu inférieurs à ce qu'ils sont, parce qu'ils sont conscients de leurs limites et de la complexité de leur discipline. Donc, ils ont tendance à être un peu trop prudents. D'où, vous voyez, ils y connaissent rien. Hein, dans le fond, ils savent pas. Donc, il y a ça. Et puis, d'autre part, je pense que oui, certains ont l'impression qu'une élite se conduit connement, mais aussi les prend pour des cons. Et là, c'est quand même, à mon avis, plus préoccupant. C'est-à-dire que derrière la crise qu'on voit actuellement, il y a plein de gens qui ont l'impression vraiment d'être pris pour des cons par l'élite. C'est-à-dire qu'on passe leur temps à leur dire « oui, vous êtes des incultes, vous êtes des feignants, vous êtes des pollueurs, vous êtes des chauffards, vous n'avez qu'à traverser la rue, vous êtes la peste brune ». Ça fait beaucoup, quoi. Voilà. Il y a des petites maladresses comme ça qui, en finissant par s'accumuler, font vraiment mal dans le décor, surtout quand on a l'impression qu'on s'en sort pas. Et que derrière, il n'y a pas une inégalité, il y a une injustice perçue. Le problème, c'est pas, je suis pauvre, et puis il y en a d'un qui sont riches, qui disent qu'ils sont plus intelligents que moi. C'est pas juste, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que moi, je joue le jeu, je fais tout ce que je peux pour être honnête, et à la fin, j'y arrive pas. Et en plus, on m'insulte à longueur d'antenne. Mais alors, est-ce que nos gouvernants, et là on retrouve l'extrait de 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, nous prennent pour des cons? Parce qu'on entend souvent cela, on a entendu ça sur les ronds-points. C'est là aussi un discours assez fréquent, Jean-François Marion. Est-ce qu'ils nous prennent pour des cons? Je pense à tout le moins qu'il y a des maladresses de communication. En psycho, on aime bien ce qu'on appelle la communication paradoxale, c'est quand on dit tout et son contraire. Littéralement, l'en même temps. C'est-à-dire, je me dévoue pour vous, en même temps, vous êtes quand même un peu con, quoi. Laissez-moi faire. Je vais tout faire pour réduire le chômage, en même temps, vous n'avez qu'à traverser la rue. Je vais tout faire pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on change, en même temps, je vais vous limiter à 80, parce que la vitesse, c'est pas trop votre truc. Vous voyez, on ne sait plus trop quoi croire dans ce discours-là. C'est un discours, justement, en même temps, ça tourne à tout et son contraire. Et je pense qu'il y a une réelle erreur de communication politique là-dedans. Mais voilà. Enfin, je veux pas faire le malin, je suis aussi con que les autres en la matière. Alors, justement, moi, je vais changer de côté, parce que comme ça, au moins, en étant insituable. Donc, on a parlé des gouvernants, parlons maintenant des gouvernés. Ouais. L'une des critiques traditionnelles qui est adressée à la démocratie, c'est que les cons, on voit au chapitre. Ah ben, le problème, c'est pas que les cons, ils voient au chapitre, c'est qu'ils soient parfois les seuls à aller voter. Voilà, parce que justement, quand on est intelligent, qu'on prend du recul, qu'on est prudent, on se dit, ouais, finalement, c'est un peu la même chose que je vote à droite comme à gauche, finalement, je vais être gros gens comme devant, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je vais rester chez moi, je vais laisser se débrouiller un peu. Mais il y en a d'autres qui ont des certitudes, taillées à la serpe, qui disent, bah, moi j'y vais, moi je m'engouffre, on me laisse le champ libre, ok, et on voit ce que ça donne. Bon, mais alors peut-on considérer, c'est assez polémique, qu'un certain nombre de décisions qui sont des décisions prises à la majorité sont des décisions connes? Alors, je pense par exemple, on n'est pas du tout obligé d'être d'accord avec ça, mais si on prend par exemple le Brexit, bon, ça semble pour l'instant ne pas exactement se passer comme prévu. Est-ce que on peut dire qu'il y a des décisions à la fois majoritaires et non intelligentes, pour être poli? Alors, je crois que ça pose un réel problème qui est la conception de l'électeur. En démocratie, on considère que l'électeur est quelqu'un de sensé, qui va peser le pour et le contre, se déterminer en toute connaissance de cause, et que son intérêt particulier va rejoindre l'intérêt général. La somme des intérêts particuliers va faire en sorte que les bonnes décisions vont l'emporter. Le problème, et ça, Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie et psychologue, l'a démontré, le problème, c'est que nous sommes tous complètement irrationnels. On raisonne pas comme ça avant d'aller voter. On raisonne le moins possible au quotidien. A posteriori, on justifie toujours ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Oui, oui, j'ai agi comme ça parce que je suis comme ça. En règle générale, on justifie a posteriori. Et le vote, c'est bien souvent ça. Il y a beaucoup de gens qui se déterminent au dernier moment. Et parfois, ils votent un peu d'instinct, d'intuition ou de colère. Et a posteriori, ils expliquent, oui, j'ai voté pour ça parce que ceci ou cela. Mais sur le moment, ils savent pas vraiment. Donc, c'est la conception même du raisonnement de l'électeur qui semble fausse. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé mieux. Alors, je dis pas que ce que vous dites est con, mais... Ça peut, tout de hein. même, j'aimerais vous faire remarquer ce que l'on peut considérer aussi en démocratie, c'est que l'électeur, il peut être intelligent ou pas, il peut être con aussi. Oui. C'est en quelque sorte la somme des décisions individuelles qui, elle, n'est pas conne, puisque la démocratie confère une légitimité particulière aux décisions collectives. Oui. A-t-on le droit de parler de sagesse des foules versus une certaine forme d'idiotie qui serait présente lorsque les individus sont rassemblés en grand nombre, Jean-François Marmion? Alors, la foule a toujours eu mauvaise presse en sociologie et en psychologie. Il y avait Gustave Le Bon, par exemple, il y a un bon siècle, qui disait ça, que la foule, en gros, était... instable, n'avait pas de volonté, qu'on pouvait la retourner en un rien de temps. Bon, les années 30 lui ont donné raison. Mais enfin, parfois, ils disaient des conneries aussi là-dessus. Ils comparaient la foule à une femme, quoi, en gros, qui avait rien dans la tête et on pouvait lui faire faire ce qu'on voulait. Bon, vous voyez le truc. Et aujourd'hui, est-ce que la foule, pour autant, est aussi condamnable? Je sais pas, il y a d'excellentes initiatives qui naissent aussi sur Internet, où il y a des vrais effets boule de neige, des gens qui se mobilisent pour des vraies causes et qui font vraiment peser la balance de façon intelligente. Mais ça passe pas forcément par la politique, dans ce cas-là. Donc, c'est à double tranchant. C'est capable du meilleur comme du pire. On peut très bien, avec une foule, se comporter comme des connards, lyncher quelqu'un physiquement, tondre des femmes à la libération. C'est des foules qui ont fait ça. Hein. Mais on peut très bien aussi faire des bonnes choses, comme en ce moment, il y a des initiatives pour peser davantage pour la prise en compte du réchauffement climatique, des choses comme ça. Ça vient de la foule, parce que sinon ça viendrait pas du tout, je pense. Et c'est très bien aussi. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Il y a pas, là encore, il y a pas de réponse catégorique. Ça c'est bien, ça c'est mal. C'est plus compliqué que ça. Donc, c'est une réponse de Normand. Donc, on peut dire, oui, il y connaît rien. Dans le fond, il sait pas quoi répondre. Vous voyez, c'est que c'est compliqué. Alors, justement, parce que vous êtes psychologue Jean-François Marmion, on dit souvent que les gens intelligents sont un peu torturés alors que les cons seraient heureux. Et d'ailleurs, on parle d'imbéciles heureux. Est-ce que vous avez observé ça? Je suis pas si certain que les imbéciles soient heureux. Évidemment, c'est plus facile de vivre avec des certitudes. Voilà. Je sais que le monde est comme ça. J'ai compris. Foutez-moi la paix. Je vais pas revenir là-dessus. C'est un peu commode. En même temps, on sait bien que quand on est vraiment un pauvre con, le monde est hostile. Comme par hasard, il y a que des gens qui vous trouvent con autour de vous. Alors vous avez beau vous dire non, c'est moi qui ai raison, c'est pas eux. C'est quand même très inconfortable. Quant à l'imbécile heureux, moi je pense que c'est plutôt un mythe. L'imbécile heureux, ça correspondait souvent à ce qu'on appellerait aujourd'hui le retard mental, par exemple. Je suis pas persuadé qu'il soit plus heureux que la moyenne. Je pense que très longtemps, et c'est encore le cas, les imbéciles heureux ont été victimes de brimades, ont été des boucs émissaires. Je trouve ça plutôt glauque. Donc je suis pas en train d'idéaliser l'imbécilité, même inoffensive. Mais alors, parce qu'on peut retourner le compliment, lorsqu'on dit que les imbéciles sont heureux, est-ce que les personnes heureuses ne sont pas perçues en France, vous savez, à l'issue de la tradition romantique, on considère que quelqu'un qui sourit est toujours un peu niais, c'est-à-dire qu'en France, les gens intelligents sont nécessairement tourmentés, malheureux, font la gueule. Oui, mais je pense que c'est le bonheur qui a mauvaise presse. Si vous avouez lors d'une conversation, d'un apéro, n'importe quoi, vous êtes heureux, soit les gens vont regarder de travers en disant « Oui, bon, d'accord, oui, toi, c'est facile d'être heureux, tu travailles à la radio, nanana, vous voyez, t'es un privilégié, donc encore heureux que tu sois heureux. » Et puis, en même temps, ils vont vous dire « Ouais, mais dans le fond, tu l'es pas tant que ça. Enfin, » on dit pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai l'impression qu'en effet, en France en tout cas, dire qu'on est heureux, ça... Non, il faut pas. Il faut être en train de manifester, il faut être en train de râler, il faut être en train de se révolter, il faut être en train de dire qu'on nous prend pour des cons, que ça peut pas durer comme ça. Mais si on dit, bah, finalement, moi, je suis heureux, j'ai de la chance. J'ai de la chance de vivre en France. J'ai de la chance, bah, voilà, d'avoir une petite famille, tout ça. On va vous dire, ouais, bah, tu te contentes de peu. Et enfin, je ne voudrais pas terminer cette évocation de la connerie Jean-François Marmion sans vous demander l'évolution de la connerie. Alors, il y a aujourd'hui un paysage qui est différent. Il y a notamment les réseaux sociaux, Internet. Ouais. Est-ce que les réseaux sociaux servent la connerie ou au contraire tendent à la limiter ? Je pense que les réseaux sociaux sont neutres, moi. Alors là, il y a un autre biais, c'est le biais de négativité qui fait qu'on retient avant tout ce qui provoque de la colère ou de la méfiance en nous. Vous voyez, ça, vous avez 10 posts sur les réseaux sociaux. Si vous en avez 2 qui sont vraiment orduriers et haineux, vous allez retenir ceux-là. C'est ceux-là qui vont vous frapper, qui vont vous faire du mal. Et vous allez avoir l'impression que tous les posts étaient comme ça. Alors, il n'y a pas forcément plus de cons sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Simplement, on les remarque plus parce qu'ils sont plus braillards, plus voyants, qu'ils nous blessent davantage. Mais les réseaux sociaux en eux-mêmes, je pense qu'ils sont neutres. C'est comme si vous me disiez, y a un abruti qui a écrit Mein Kampf. Est-ce que l'imprimerie, c'est mauvais? Ben non, ça dépend ce qu'on en fait. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Ça peut être le meilleur comme le pire. À nous de nous attacher, d'avoir l'attention attirée d'abord par le meilleur. Mais là, c'est un effort personnel aussi. Mais alors, en conclusion, Jean-François Marmion, votre point de vue sur l'avenir de la connerie? Alors, j'ai encore beau faire une réponse mi-figue, mi-raisin, mi-chèvre, mi-chou. D'un côté, il y a quand même du mieux. Globalement, les gens sont moins cons qu'avant. Alors ça, c'est un truc qu'on veut pas entendre non plus. Je suis pas le seul à le dire, hein. C'est les experts du livre qui c'est des gens très intelligents, c'est ça. Bah oui, pour ça que j'ai choisi, moi, le con que je suis. Il y a quand même pas mal d'experts qui disent qu'on est plus intelligent qu'avant, globalement. Regardez nos a priori d'il y a un siècle. J'en reviens aux femmes. On trouvait normal que les femmes ne travaillent pas, ne votent pas. Parce qu'elles n'avaient pas de cerveau, c'était les hommes qui devaient choisir, bien sûr. On trouvait normal que les femmes n'aient pas de compte en banque, que l'homme fasse des infidélités et pas elles, etc., etc., etc. Voilà. Tout ça, c'était normal. On était cons, on trouvait normal de frapper les enfants. L'inceste, bon, on n'attirait pas trop attention là-dessus, on mettait ça sous le tapis. Il y avait plein de trucs comme ça, les pacifistes, ils se comptaient sur les doigts d'une main, et ils étaient très très mal vus. Vous voyez, il y a quand même des choses qui ont évolué. Et puis, à 14 ans... Les pacifistes, il leur est arrivé de dire des conneries. Ah, bien sûr. Mais enfin, je préfère les conneries des pacifistes aux conneries des va-t-en-guerre. Oh, ça, c'est encore... à Munich, c'est encore un sujet débattu. Ah oui, à Munich. Bon, effectivement. Donc, voilà, globalement, j'ai l'impression quand même qu'on est moins cons qu'avant. Mais la différence, c'est que avant, quand il y avait un connard au pouvoir, bah, ça concernait que son pays ou les pays auxquels il pouvait déclarer la guerre. Maintenant, un connard au pouvoir, il peut déclencher une guerre nucléaire. Voilà. Donc, de ce côté-là, je suis un peu plus pessimiste quand même. Vous voyez, je ne vais pas vous faire une réponse définitive. Moins de cons, mais des cons plus dangereux qu'auparavant. Plus voyants et quelques-uns sont plus dangereux, ouais. Jean-François Marmion, vous êtes psychologue et vous avez publié un ouvrage collectif « Psychologie de la connerie », c'est aux éditions Sciences Humaines. Superfell a été piétiné par Anaïs Isebaer à la production, gâché par Jacques Hubert à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.